Ici, les larmes arrivèrent avec une telle abondance, Adeline sanglota tellement qu'elle en mouilla les gants de Crevel. Ces mots « Il me faut 200 000 francs » furent à peine distinctibles dans le torrent des pleurs, de même que les pierres, quelque grosses qu'elles soient, ne marquent point dans les cascades alpestres enflées à la fonte des neiges. Telle est l'inexpérience de la vertu. Le vice ne demande rien, comme on l'a vu par Madame Marneffe. Il se fait tout offrir. Ces sortes de femmes ne deviennent exigeantes qu'au moment où elles se sont rendues indispensables, ou quand il s'agit d'exploiter un homme, comme on exploite une carrière où le plâtre devient rare. En ruine, disent les carriers. En entendant ces mots, 200 000 francs, Crevel comprit tout. Il releva galamment la baronne en lui disant cette insolente phrase. « Allons, soyons calmes, ma petite mère !» que dans son égarement, Adeline n'entendit pas.